Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le mag sur Radioactive. Aujourd'hui, dans un mag aux petits oignons, on pousse la porte d'un bistrot pas comme les autres, les 30 Glorieuses à Pont-le-Voix. Son tenancier Raphaël n'est pas seulement un amoureux des bons produits, il est aussi à l'initiative d'un événement qui va combler de bonheur les amoureux de musique, le Glorieux Festival qui aura lieu le 30 août prochain. Une ambiance explosive garantie, une programmation 100% locale, le tout dans le cadre bucolique du jardin du bistrot. On vous le dit, ça va être vachement bien. Donc dans cette émission, on va parler évidemment de l'esprit des 30 Glorieuses, de ce lieu de vie où il fait bon traîner. On va découvrir un peu les coulisses aussi de ce festival artisanal mais ambitieux. Et puis on va écouter quelques titres des artistes programmés. Donc je reçois Raphaël. Salut Raphaël. Salut Marlène. Alors est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu, les 30 Glorieuses? Ça date de quand? Quel est le concept? C'est quoi? Alors les 30 Glorieuses, c'est une brocante, c'est un bistrot, c'est un lieu de vie. C'est une boutique que j'ai ouvert il y a un tout petit peu plus de 4 ans maintenant. Au départ, c'était juste une brocante. J'ai rajouté le bistrot il y a 2 ans avec l'envie de faire vivre ce lieu par le biais de concerts qu'on fait maintenant tous les mois. Et alors ce qui est marrant, c'est que quand on vient aux 30 Glorieuses lors d'une soirée concert, on s'assoit sur les chaises qui sont à vendre, il y a un truc comme ça un petit peu dans l'idée? C'est exactement ça, ouais. En fait les gens squattent à droite, à gauche, il y a une vieille caravane à l'intérieur, il y a un kitsch VIP lounge qui est à la déco années 70, il y a tout ce qui est les tables, chaises et banquettes qui appartiennent à la brocante, mais du coup, sur lesquelles les gens s'assoient et avec lesquelles ils peuvent repartir s'ils les ont bien aimés. C'est génial. Tu viens voir un concert, tu bois un coup, tu repars avec le mobilier, c'est parfait. C'est ça. Et du coup, tu fais des concerts donc régulièrement, c'est-à-dire que ça revient tous les combien à peu près? En fait, c'est des concerts qui ont lieu de février à novembre et c'est toujours le dernier vendredi du mois. Ok, avec une prog locale, ça c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de mettre en avant des artistes locaux. Au départ, c'était moi qui allais les chercher. Maintenant, on est sur une programmation 50-50, on me contacte. On est connu maintenant, en fait, pour faire des concerts. Donc, on prend des artistes plutôt festifs. On aime bien ça, faire la fête. Mm-hmm. Et dans un périmètre qui va de Blois, Tours, Châteauroux, on draine à peu près ce milieu-là artistique-là, dans ce périmètre-là. Et alors, le Glorieux Festival, donc là, ça va être le 30 août prochain. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer un événement de plus grande ampleur? Je suis un petit peu foufou à la base. J'ai déjà eu l'occasion d'organiser un festival, il y a de ça un peu moins d'une dizaine d'années, sur la commune de Chissy-en-Touraine. Ça s'appelait le Dawa Festival. Mm-hmm. Et puis l'idée est partie d'un festival. En fait, l'année dernière, on avait organisé un petit festival. C'était le 15 juin, c'était pour fêter les 1 an du bistrot. Mm-hmm. En fait, je me suis dit que pour fêter les 1 an du bistrot, on pourrait faire autre chose qu'une soirée concert et quelque chose de plus grand. Donc, j'avais loué une scène, on s'était mis en extérieur, on avait fait déjà venir 4 groupes. Ça avait été un petit festival sympathique. On n'a pas eu de chance avec la météo, ouais, à cette époque-là. Et on s'est dit que cette année, on allait refaire la même chose en changeant la date. Donc du coup, maintenant, cette année, c'est le 30 août. Mais toujours sur le même principe, une scène en extérieur, 4 groupes locaux et l'envie de faire la fête sur une soirée comme il se doit. Alors 4 groupes locaux, justement, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi la prog de cette édition 2025 du Glorieux Festival? Alors on commence avec un groupe de Blois, un jeune groupe de Blois qui s'appelle TTG, qui joue du rock français avec des inspirations un peu de Noir Désir. Ça fait juste une petite année, je crois, qu'il commence à tourner. Il commence à faire pas mal de dates, d'ailleurs. On va enchaîner avec Taïazabeu. Alors, Taïazabeu, c'est le groupe un peu emblématique de Blois, qui tourne depuis une vingtaine d'années, qui fait du Reguska. Oui. Ouais, facile, hein. Oui. Avec les frangins Barbosa, qui sont à l'origine de ce groupe, qui est de Marche Noire, exactement. Oui. Il y avait un chouette festival qui était le Festival du Parc. Je ne sais pas s'il existe encore. Ah d'ailleurs. Oui, je ne suis pas sûr qu'il fasse encore. Parce que c'est un peu comme tous les groupes qui ont une vingtaine d'années. Ils sont un peu dispersés maintenant. Mm-hmm. Et ils ne font plus qu'un ou deux concerts dans l'année. Et leur deuxième cette année, ça sera au Glorieux Festival. Bah, voilà. Donc, on a de la chance. On a de la chance. Donc, eux, plutôt Reggae Ska. Ensuite, on va continuer avec l'Agence du Ska, qui est un groupe du sud de Loche, qui est basé entre Loche et Châtellerault. Donc eux, c'est une grosse formation aussi, hein. Ils sont 7 sur scène. C'est du rock cuivré, donc du rock où on va être obligé de bouger son popotin. J'aime bien employer cette expression-là. Et on va finir avec Ultra Moderne. Donc ça, c'est pour avoir une programmation qui soit assez éclectique et qui puisse plaire à tout le monde. Ultra Moderne, c'est un groupe électro-synthé-pop. C'est un duo, en fait, qui est à la base issu de la scène punk régionale et maintenant qui s'est lancé depuis quelques années sur l'électro-pop et qui a une super musique. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très content qu'ils viennent au Glorieux Festival avec des textes assez engagés qui sont aussi... très, très second degré aussi. Oui. On pense à Henri Guibé, on pense au Bernard, on pense à Si je suis bien que si j'ai bu, des choses comme voilà, ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, une programmation assez éclectique, locale et festive. C'est un peu le résumé de la prog de cette année du Glorieux Festival. Ouais. Bah, je te propose qu'on se mette dans l'état d'esprit du Glorieux Festival tout de suite avec un titre qui s'appelle 1983, qui est interprété par l'agence du Ska. Donc, comme tu le disais, un groupe où les cuivres viennent apporter aussi tout ce côté très festif. Eh ben, on écoute tout de suite et on se retrouve après. C'est parti. Je L'agence du ska sur Radioactive, mais pas que. Vous les retrouverez donc au Glorieux Festival le 30 août prochain à Pont-le-Voy. Et aujourd'hui, c'est Raphaël, le tenancier, le taulier du lieu, qui est là avec nous pour nous parler de cet événement et puis aussi de la vie de ce lieu à l'année, puisque, comme il nous le précisait, c'est une brocante où on peut venir chiner. Donc, on y trouve de tout. On y trouve de tout, voilà, exactement. Alors, plutôt des objets avant les années 80. Un côté vintage. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. D'où le nom notamment des 30 Glorieuses. Ouais. C'est vrai que je t'ai pas questionné là-dessus, mais c'est original ce nom. Ben ouais, ce nom il est venu assez rapidement en fait, pour deux raisons en fait. D'une part, c'est la majorité des objets de la déco qu'on va retrouver dans la boutique proviennent de ces années-là, donc les années 50, 60 et 70. Et aussi parce que de ce que, alors je les ai pas vécues, j'en suis à la fin moi des 30 Glorieuses, je suis à la fin des 30 Glorieuses, mais de ce que j'ai pu entendre par les plus anciens, c'était des années... de plaisir, des années de joie, des années de partage. Il n'y avait pas de prise de tête, on passait du bon temps. Et c'est un petit peu ce qu'on a envie de partager avec les gens qui viennent aux 30 Glorieuses. C'est tout ça, en fait. Ce qu'on aimerait bien retrouver, d'ailleurs, un petit peu. Voilà, c'est ça. De la sérénité, du bon temps, du partage. Et c'est vrai que... Du pouvoir d'achat. Oui, aussi. Mais c'est vrai que les gens qui viennent aux 30 Glorieuses pour la première fois à une soirée concert, par exemple, ils sont sûrs et certains de repartir en ayant discuté avec d'autres personnes, en ayant échangé. Enfin, je le vois régulièrement, moi, dans les soirées concerts, les chaises bougent, les tables bougent aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'échanges qui se font et ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais on voit bien qu'effectivement, ce que tu as envie de drainer, c'est aussi de l'humanisme, quelque part. Pour employer un grand mot. Oui, oui, c'est ça. C'est de la culture, c'est de l'échange, c'est des échanges humains, c'est des rencontres. C'est tout ça autour d'un lieu qui, à la base, est une brocante. Mais j'aime bien dire, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien dire que c'est une brocante, un bistrot. Et je tiens aussi au nom de bistrot par rapport à l'histoire de ce nom-là. Ce n'est pas un bar, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Ce n'est pas péjoratif, hein, mais ce n'est pas un bar, c'est un bistrot. Et j'aime dire aussi, justement, que c'est également un lieu de vie pour toutes ces choses-là, en fait, pour tout le bon temps qu'on peut y passer. Et une belle prog qui nous attend sur ce festival, puisque tu veux évidemment faire découvrir des groupes locaux. Donc, on en a parlé, TTG, qui va amener sa touche de rock, Taïa Zabeu et son reggae ska, l'agence du ska qu'on vient d'entendre, et puis Ultra Moderne dans un répertoire un petit peu plus électro. Tout ça, c'est du local, mais il n'y a pas que la musique qui sera locale, puisque sur place, il sera possible donc de boire et manger local. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. En fait, ça, c'est aussi une de nos priorités, c'est de proposer uniquement du local, que ça soit au bistrot toute l'année, mais aussi au festival. Donc, on prend des fournisseurs qui sont à moins de 60 km de la boutique, moins de 60 km de Pont-le-Voy. Pour les food trucks, c'est Titos qui vient de Serrer la Ronde et notre boulanger qui va faire lui-même son pain, qui va faire lui-même ses crêpes pour nous proposer des burgers et des galettes saucisses. Comme tout ce qui est au niveau du bar, on a deux brasseurs qui nous fournissent un d'Amboise, qui est Matt d'Artisanal Brewing, et Guillaume à Serrer la Ronde. Tout ça à boire avec modération, bien sûr. Et Cyril, qui sera là aussi avec ses softs de la Loire, de Civray de Touraine. Voilà. Cyril, qu'on salue. C'est ouvert à tout le monde. C'est une soirée qui se veut familiale. Oui, oui, oui, c'est une soirée qui se veut familiale comme lors des soirées concerts, c'est-à-dire qu'on peut venir en famille, on peut venir entre amis. L'enceinte sera justement clôturée pour que les gens puissent venir en famille et soient tranquilles sans se demander à courir où sont leurs enfants. C'est important, ça. Oui, oui, oui, mine de rien, c'est quand même assez important. Donc voilà, ouais, ouais, c'est vraiment une programmation et un moment qui sera et familial et amical. C'est quoi les conditions pour pouvoir venir assister à ce festival? Combien il m'en coûtera? Ah, alors, très cher. Bah oui, oui, comme tous les festivals. On a la prétention qui est plutôt justement de faire venir tout le monde. Donc on a une billetterie en ligne pour pouvoir prendre des places en prévente. Les places en prévente sont à 14 € pour les plus de 12 ans avec l'éco-cup du festival offert. L'adresse de la billetterie, c'est billetweb.fr/LGF. Ok. Voilà, tout simplement. Donc 14 € en prévente, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et le soir même, si vous venez directement à l'entrée du festival, il en coûtera 17 € par personne pour les plus de 12 ans. Ce qui, par rapport à la prog, est très honnête et raisonnable. Oui, oui, oui. Oui. Bah, l'idée, voilà, c'est d'avoir, c'est pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Mmh. On précise aussi qu'il y a un parking, donc c'est facile de se garer. Alors, il y a un parking et il y a aussi des emplacements qui sont réservés pour un camping. Tout ça, c'est gratuit. Bah oui, parce que bon, l'idée, c'est que les gens, ils passent du bon temps. Hein, mais il faut faire toujours attention au retour. Oui. Donc, on a un emplacement pour le parking et un emplacement pour le camping. Et tout ça, c'est gratuit. Génial. Voilà. Super. Tout a été pensé. Ouais. L'idée, c'est de passer un bon moment sans se prendre la tête et sans se dire « Oh là là, faut que je fasse attention, oh là là, faut que je rentre. » Non, non, on peut dormir sur place, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une très très belle idée. Je te propose qu'on écoute Taïa Zabeu avec un titre qui s'appelle « Les vrais escrocs ». Donc Taïa Zabeu, dont tu nous as parlé tout à l'heure, effectivement, les frères Barbossa qui sont connus localement avec leur reggae ska et qui sont rares sur scène, donc il faut vraiment en profiter. Le 30 août, à Pont-le-Voix, aux 30 Glorieuses, lors du Glorieux Festival, on écoute « Les vrais escrocs ». Ils savent comment te manipuler. Banquier politico, contrôle par la monnaie, toujours en toute impunité. Les vrais escrocs sont toujours bien habillés. Ils savent comment te manipuler. Banquier politico, contrôle par la monnaie, toujours en toute impunité. Les vrais escrocs sont toujours bien habillés. Ils savent comment te manipuler. Banquier politico, contrôle par la monnaie, toujours en toute impunité. Et Et oui, Taïa Zabeu, les vrais escrocs, ça fait du bien aux oreilles. Sur Radioactive, vous êtes toujours dans le mag et nous sommes toujours avec Raphaël, le tenancier des 30 Glorieuses, un lieu atypique qui est à la fois une brocante, un bistrot, un lieu où on pourra venir voir des groupes lors du festival, le Glorieux Festival, qui aura lieu le 30 août prochain. Avec une belle prog, TTG, Taïa Zabeu, l'agence du ska ultra moderne. Je rappelle qu'en pré-vente, vous pouvez prendre vos billets pour la somme de 14 euros. On vous mettra le lien dans le podcast, hein, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer et à réserver vos billets. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, donc n'hésitez pas. Sur place, ce sera la somme de 17 euros. Mais alors sachez qu'à la fois, vous verrez des groupes locaux, vous pourrez manger local, boire local. Et vous pourrez même dormir sur place si tout n'est pas parfait. Franchement, que demande le peuple ? Alors Raphaël, en dehors de ce glorieux festival, on l'a dit, tu organises des concerts tous les derniers vendredis du mois. C'est ça, oui, les derniers vendredis du mois. Et alors ces concerts-là, en fait, c'est pareil, il y a un tarif à l'entrée ou alors on vient simplement et on profite de ce qui est proposé ? Les concerts qui ont lieu tous les derniers vendredis du mois, de février à novembre, sont en entrée libre. Donc vous pouvez venir comme ça, assister au concert, profiter aussi du bistrot où on propose des produits locaux et de la boisson locale, et assister au concert. Et repartir avec le petit fauteuil vintage qui est calé dans un coin, éventuellement, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Alors, il y a déjà des dates que tu peux nous annoncer sur la programmation d'automne, puisque je crois que septembre, octobre, novembre, il y a déjà des dates à noter. Oui, alors le 26 septembre, il y aura le groupe Délices qui fait des reprises franco-internationales de rock. Le 31 octobre, ce sera les Barons du Bayou qui viennent de Tours avec un style Louisiane festif. Et on terminera la saison le vendredi 28 novembre avec Roland Bernard et le Yukuloops Band. Figure emblématique de la scène locale, Roland. Complètement, ouais. Ouais. Qui vient chez nous maintenant régulièrement, c'est devenu un copain et autant notre clientèle que nous l'apprécions beaucoup. Pas étonnant. Mais alors, dis-moi, Raphaël, pour oui. nous, c'est évident, Pont-le-Voix, on sait où ça se trouve, mais alors les gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, Pont-le-Voix, attention, c'est dans le Loir-et-Cher, ça, c'est ça, hein ?» Ouais, c'est ça, il va falloir passer la frontière pour venir au Glorieux Festival. Mais c'est pas très très loin hein, d'Amboise. Pont-le-Voix, on est à 20-25 minutes à l'est d'Amboise, juste au-dessus de Montrichard. Donc, on traverse la forêt d'Amboise, on arrive à Montrichard, on remonte 5 minutes et on arrive directement au Glorieux Festival. Et on peut même dormir sur place, on le rappelle. C'est gratuit, il y a un camping qui est prévu pour les fêtards qui auraient envie de bien goûter la bière locale. C'est ça. Donc tout est prévu. Eh bien écoute, merci beaucoup Raphaël. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi 30 août à Pont-le-Voix, la route de Montrichard, pour un moment festif, chaleureux et musical porté par des artistes du coin. Et l'énergie de ton énergie Raphaël et celle de ton équipe qui font vivre ce lieu. Un festival qui sera à taille humaine, qui va respirer l'authenticité et puis évidemment la bonne humeur. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Radioactive pour nous parler de cet événement et de ce lieu. Merci beaucoup Marlène de m'avoir accueilli. Et donc on se donne rendez-vous le 30 août. À très vite et rendez-vous le 30 août pour le Glorieux Festival à Pont-le-Voix, ouais, ça marche. Vous pourrez réécouter toute cette interview sur le podcast que vous retrouverez sur la page Facebook de Radioactive 93 et 94.7 FM. Et puis, on va se quitter avec Ultra Moderne. Allez, comme ça, on aura vraiment une belle, belle image de cette programmation qu'on retrouvera le 30 août. Merci à tous et à très vite dans un nouveau mag.